Cartel, sens unique production, 2007 cousin, parenthèse, les SLK chaotiques, mes puis t'as la prod, DR, deuxième section, vrai ça, fais pas semblant, sens unique production. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos styles s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos styles s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. L'écriture consciente, c'est le seul moteur de ma vie, ce qui me permet de rendre plus fort le contenu de mes écrits. Un moment de solitude que je passe avec ma feuille, c'est les mémoires d'outre-tombe que je fais ressortir dans mes recueils. La rime je la construis au plus simple de sa forme, pour être compris de tous afin de balancer ma réforme. Dans le message je préfère peser que vous dire de la merde. Basé sur le texte, mon rap est pour moi un remède. J'ai pas peur de la critique, seule la musique pourra me juger. Je reste humble dans mes propos, je prétends être personne pour jaser. Casé avec elle, je lui ai fait une demande en mariage, afin de lui prouver mon amour, quitte à le marquer dans la marge. Barge de la mélodie, elle m'envoûte par ses notes. Je préfère être authentique et pas convoité par ses dotes. C'est une passion avant tout et j'en prends ses avantages, pour rester dans le coup quand je fais face à ses suffrages. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos styles s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos styles s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. Le rap c'est secondaire, je dis ça mais j'ai pas de route secours. Mec je suis engagé mais combien au milieu de la route secours. Je tourne en rond et ce putain de peur à m'exaspère. Je balise pour l'avenir, je veux pas donner mon rap et que ça se perde. J'écris des 16, sans col aller sans garetti. Compare mes métaphores, écoutez tu vois sans garetti. J'ai pas la chance, je me la ferai pas à portée de main. Le désespoir c'est comme mon cahier de dream, toujours à portée de main. 2001 ça gratte, depuis 2005 ça pro. Je te jure sur la vie de ma prose, le rap un jour j'aurai sa peau. En attendant, je fais ta des textes, mon big pète à la chance. Un truc pète à la tempe, pour elle tu deal ou tu pétas de la jambe. Mon rêve c'est les steaks, je leur ai pas, je fais pas partie des stats. Moi je fais partie des têtes qui représentent le talent dans les stades. 2007, faut passer le rap en grand pont. Même si mon rap ne sort pas, je raccrocherai pas les crampons. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos styles s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos styles s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. On rap a violé l'instru et la baiser sans plastique. La tristesse l'habite, il fait pas dans le verre, c'est fantastique. Et dans la stricte réalité, il a trouvé sa place. Il connaît les faux frères, les keufs, les pétasses, les rapaces. À son écoute, quelques personnes ont les larmes aux yeux, et d'autres sont choquées par l'impact de ses phases odieuses. Il monte ses talents dans la rue ou dans le studio. N'oublie pas ses racines et représente sa banlieue sud, gros. Enfermé dans sa boîte, fonce et des tendances alcooliques. Vendeur de grosses rimes à son actif, à Bicraft Crowdlit. Il a déjà 2 ans et grandit de plus en plus vite. Il reste authentique et ses paroles les plaisantes rugissent. Mon rap a quitté le bonheur, étouffé par l'odeur. Il se propage dans les caisses, les PC et les baladeurs. On rap pas comme cela, mis sa feuille et son stylo, frère. Il prend des yeps sur les beaux parleurs et les schizophrènes. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos stylos s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime. On écrit nos larmes sur feuille, pas entre parenthèses, nos stylos s'imprègnent de la nuit, mais devant nos parenthèses, on parenthèse. Et ça se ressent dans nos cahiers de rimes, notre rap c'est un soleil, parce que dans nos cœurs on cahier trime.